إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Donc nous sommes arrivés au 90e point de notre livre « El-Ilm »« Fadluhu wa Sharafuhu ». Donc l'intitulé de ce point est « El-Ilmu khayrun min al-nawafil ». La science est meilleure que les œuvres surérogatoires. « Ma dhakarahu Abu Nu'aym wa ghayruhu » an ba'd ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal « فضل العلم خير من نفل العمل وخير دينكم والورع. Donc Abu Nu'aym rapporte que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc la meilleure des sciences, la science, à fois la science et donc meilleur que les œuvres surérogatoires. Les bienfaits ou la valeur de la science est meilleure que les œuvres surérogatoires. Et la meilleure de votre religion, c'est l'ascétisme, el-wara. El-wara, c'est le fait de laisser les choses qui sont licites de peur de tomber dans l'illicite. Donc voire même des choses qui sont permises d'acheter. Des choses, c'est ça el-wara. Ou de ne pas aussi profiter de certaines choses en abusant. Donc parmi les wara, مثلاً, la personne travaille à l'usine, مثلاً. Et ou elle a un bureau, elle travaille dans un bureau. Et cette personne use souvent de téléphone du bureau pour appeler la maison, souvent. Il y a des personnes par wara, ils vont pas utiliser le téléphone parce que c'est pas eux. مثلاً, il travaille, il est directeur d'une école, il est ceci. Et il a une voiture de fonction, pour sa fonction. Il va pas la prendre pour le week-end. Donc ça, c'est du wara. Le fait de laisser quelque chose qui va être moubah, mais il le délaisse pour la religion. Parmi les exemples, c'est qu'il y a une dame, une femme qui a demandé à Omar ibn Abdelaziz, rahmatullah alayhi, il lui a dit, je peux coudre le soir en utilisant ou en usant de la lumière de mes voisins. J'ai pas besoin d'allumer ma lumière. J'ai pas besoin d'allumer, donc ma lampe à pétrole. Mes voisins allument cette lampe, leur lampe qui éclaire même pour moi. Est-ce que je peux l'utiliser? Et il lui a dit pour toi, non. Parce qu'il connaissait qu'elle avait un grand niveau de wara. Donc elle pouvait se permettre d'accepter de quoi? De pas user de la lampe des autres. Et c'est ça le wara. C'est délaisser des choses qui sont moubah afin de ne pas tomber dans l'excès ou quoi que ce soit. Et il y a encore bien sûr d'autres exemples. Wakad. رؤيا هذا مرفوعا عن حديث عائشة رضي الله عنها وفي رفعه النظر. Et on retrouve aussi donc pour le même hadith où Aïcha dirait, elle aurait dit ça du prophète, mais simplement on n'a pas de preuve que cela vienne du prophète dans une autre version. وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فردا فلا بد منهما كالصوم والصلاة فإذا كان فضلين وهما نفلان المتطوع بهما فضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه والعبادة يختص نفعها بصاحبها ولأن العلم تبقى فائدته وثمرته بعد موته والعبادة تنقطع عنه. Donc là on voit que cette parole, elle va donc juger dans ce qu'on a vu sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va juger dans ce sujet. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair que la science est meilleure que les œuvres surérogatoires. Et qu'on avait vu hein, dans les cas auparavant que c'était meilleur, sauf pour les œuvres qui étaient obligatoires. On a vu que c'était bien sûr meilleur, la science, sauf pour les œuvres qui étaient obligatoires. Car, pourquoi ? Parce que l'apprentissage de la religion est une obligation, mais ainsi que les œuvres obligatoires sont des obligations. Donc ils ont le même niveau d'obligation. Ils ont le même niveau d'obligation. Par contre, on voit que c'est meilleur que l'œuvre qui est surérogatoire, donc l'adoration, car la science, elle va englober plus de choses. Elle sera plus générale, dans le sens où son bénéfice va non seulement faire profiter celui qui apprend la science, mais aussi celui qui la reçoit. Donc celui qui va l'apprendre et l'enseigner, donc le shir, le savant, il est profitable pour lui-même, sa science est profitable pour lui-même, ainsi que pour les autres. Par contre, l'adoration va n'être profitable que pour celui qui commet cette œuvre. Et aussi car la science reste, elle demeure. Et son bénéfice demeure même après la mort de ce savant. Par contre, l'adoration va s'arrêter avec la mort de ce serviteur qui adore. Et on a vu auparavant, bien sûr, on avait vu plusieurs points par rapport à la valeur de la science ou la suprématie de la science par rapport à l'adoration. El-Wajhu el-Hadi wa Tis'un, 80e point. Al-ilmu wa al-khashiyah. La science et la crainte. La science et la crainte. Ma rawahu al-khatibu wa Abu Nu'aym wa ghayruhuma al-Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala ta'allamu al-ilma fa inna ta'allamahu lillahi khashiyah wa talabahu 'ibada wa mudarasatahu tasbih wal bahtha 'anhu jihad wa ta'limahu liman la yuhsinuhu sadaqa وبذله لأهله قربا به يعرف الله ويعبد وبه يوحد وبه يعرف الحلال من الحرام وتوصل الأرحام وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء Donc il dit Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه apprenez la science car son apprentissage pour Allah est une crainte. Sa recherche et cette adoration, l'apprendre, mudarasatahu, donc l'enseigner, c'est un tesbih. Rechercher cette science, c'est des efforts, un djihad. L'enseigner aux gens, l'enseigner à celui qui ne la connaît pas, ou celui qui ne connaît peu de cette science, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Le donner aussi à ces gens, c'est-à-dire, hein, donc le donner. Ou le propager aux gens qui veulent apprendre. Donc c'est une courba, c'est un rapprochement d'Allah. Donc tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une adoration. Et par cette science, on va connaître Allah et on va l'adorer. Donc par cette science, Allah sera connu et adoré. Par cette science, il sera unifié. Par cette science, on va connaître le licite et l'illicite. Le licite de l'illicite. Aussi, va se tisser les liens familiaux. C'est aussi celui qui va faire que tu seras donc près de lui et que tu vas vouloir rester près de lui dans le sens où tu vas aimer, tu vas détester le fait de te séparer de cette science lorsque tu es seul. C'est aussi ton ami, donc lorsque tu es seul aussi. Et c'est aussi la preuve pour tout ce qui est donc bonheur, tout ce qui va réjouir, hein, la preuve de la réjouissance. Wal mu'inu ala darra, c'est cette science qui va t'aider dans les moments difficiles. Wal waziru 'inda al akhilla, et c'est aussi donc le ministre ou bien lorsque tu te retrouves avec ceux que tu préfères, c'est lui qui va, c'est-à-dire administrer tout. Walqaribu عند الغرباء, عند الغرباء. C'est lui le proche lorsque tu es étranger, auprès des étrangers. Si tu es auprès des étrangers, c'est ta science qui sera proche de toi. وَمَنَارُ السَّبِيلِ الْجَنَّةِ C'est aussi donc la voie ou bien la lumière ou bien les minarets, dans le sens où c'est... Donc c'est, enfin, c'est celle qui te montre ou celle qui t'éclaircit, celle qui va te montrer la voie du paradis. C'est celle qui va te montrer la voie du paradis. يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً وَسَادَةً يُقْتَدَ بِهِمْ Allah va lever de par cette science des peuples et il va faire qu'ils seront les meilleurs guides et les personnes les plus importantes à partir desquelles on se guide. C'est-à-dire ce sont des exemples. Ce sont les exemples. أَدِلَّةً فِي الْخَيْرِ تُقْتَدَ أَثَارُهُمْ Ce sont aussi des preuves dans le bien et on se prend leurs traces, c'est-à-dire on fait ce qu'ils ont fait. وَتُرْمَقُوا أَفْعَالُهُمْ Et on n'arrive pas à faire comme ils font. تُرْمَقُوا أَفْعَالُهُمْ C'est-à-dire que quoi qu'on essaye, on ne sera pas sur leur niveau par rapport à leurs actes. وَتَرْغَبُوا الْمَلَائِكَةُ فِي خَلَّتِهِمْ بِأَجْنِحَتِهَا تَمُسُّهُمْ Les anges aiment rester avec eux. Ils aiment donc se mélanger avec eux et aussi donc les couvrir avec leurs ailes et les toucher, les caresser. Donc le fait que les anges vont toucher, ils vont toucher ces assises, ces gens qui écoutent les assises, de leurs ailes. Ils aiment ça les anges. يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ حَتَّى الْحِتَانُ الْبَحْرِ وَهَوَامُهُ Ainsi que demande pardon, donc tout ce qui est humide et sec, même les poissons qui sont dans la terre et tout ce qui est dans la terre, dans la mer et tout ce qu'il y a dans la mer, ainsi que les bêtes féroces et aussi les bêtes qui sont donc comme les moutons et comme les autres, donc les bêtes qui sont sur la terre, même celles qui sont donc on va dire féroces et celles qui ne le sont pas féroces. وَالسَّمَاءُ وَنُجُمُهَا Les cieux et ses astres ou ses étoiles. وَالْعِلْمُ حَيَةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْعَمَى La science, c'est la vie du cœur vis-à-vis de l'aveuglement. وَالنُّورُ الْأَبْصَارِ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلَمِ C'est aussi donc la lumière pour les yeux au moment des ténèbres, lorsqu'il y a les ténèbres. وَقُوَّةٌ لِلْأَبْدَانِ مِنَ الضَّعْفِ C'est aussi une force pour le corps vis-à-vis de la faiblesse. Lorsqu'il y a la faiblesse, donc justement, qu'est-ce qui va renforcer ce corps, cette science? يَبْلُغُ بِهِ الْعَبْدُ مَنَازِلَ الْأَبْرَالِ وَالدَّرَجَةِ الْعُلَى De là, le serviteur acquérira le niveau des pieux, les niveaux de ceux qui obéissent, des obéissants pieux, et aussi des hauts niveaux, va acquérir des hauts niveaux. وَتَفَكُّرُوا فِيهِ يُعْدَلُ بِالصِّيَامِ Le fait de penser à cette science est équivalent au jeûne. وَمُدَارَسَتُهُ بِالْقِيَامِ Enseigner ou apprendre, donc apprendre cette science, c'est comme si tu avais pris la nuit. وَهُوَ إِمَامٌ لِلْعَمَلِ Et c'est l'imam de la science, dans le sens que c'est lui qui va t'amener, c'est lui-même de l'acte, car c'est lui qui va te pousser à l'acte. وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ Et l'acte vient après lui. La science d'abord, et puis l'acte. يُلْهَمُهُ السُعَادَ Ceux qui sont heureux le savent, hein, ils le ressentent. Ils ressentent cela. وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَ Il ne va pas en profiter, en sera privé les malheureux. En sera privé le malheureux. Donc ceux qui sont heureux, ils vont goûter à cela. Ils vont en profiter, contrairement aux malheureux. هذا الأثر معروف عن معاذ. Donc ça, c'est une parole qui est connue de Mu'adh, رضي الله عنه. ورواه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. وحسبه أن يصل إلى معاذ. Donc Abu Nu'aym dans le Mu'jam a dit que cette parole cité par Mohamed vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas authentifié. Lakin, c'est authentifié jusqu'à Mohamed. Jusqu'à Mohamed, c'est authentifié. Et cela est largement suffisant parce que c'est un compagnon. Cela est suffisant. El wajhu athani wa tis'un, 92e point, darajat talib al-ilm. Darajat talib al-ilm. Les degrés de celui qui recherche la science. Marawahu Yunus ibn Abd al-A'la an ibn Abi Kudayk haddathani Amr ibn Kathir an Abi al-A'la an al-Hasan an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal man ja'ahu al-mawtu wa huwa yatlubu al-ilma liyuhiyya bihi al-islam fabayyinhu fabaynahu wa bayn al-anbiya'i fil jannati darajatun nubuwa. والحديث رواه ابن عبد البر لكن هو هذا الضعيف يعني هذا الحديث يعني مرسل حديث ضعيف لكن معناه ليس ببعيد المعنى ليس ببعيد donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit donc c'est un hadith qui est pas authentifié d'accord il est faible mais simplement son معنى il est vrai wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh celui donc, qui meurt alors qu'il a appris la science afin de faire revivre l'islam, donc il y a entre lui et les envoyés dans le paradis le degré, la différence entre eux, c'est juste le degré du nubuwa, le degré de la prophétie. La différence entre les ulama et les anbiya, c'est le nubuwa. Parce que tous les deux enseignent aux gens l'ilm. Ils enseignent aux gens l'ilm. Mais sauf que les autres sont envoyés, donc ils ont un degré supérieur, les autres sont ulama, et on a vu ça hier, qui avait justement, ce sont leurs héritiers. Comme on l'a vu par rapport à Majelis al-Nubuwa. Là que l'on peut l'user dans, pour montrer à Kulihel l'importance de ça. On peut l'utiliser, tout en sachant que ça ne va pas du prophète sallallahu alayhi wa Bien sûr, donc par rapport au toujours Darajat, non, parce que le premier degré c'est Darajat al-Nubuwa, le deuxième degré c'est Darajat al-Siddiqin, hein, al-Siddiqiyya, et après al-Shahada, et après al-Salah. Donc par rapport bien sûr au verset que vous connaissez, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Nisa, verset 69, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Donc il dit cela, subhanahu wa ta'ala. Donc on voit celui qui obéit à Allah et à son envoyé, ceux-là seront avec ceux dont Allah a comblé des bienfaits parmi les envoyés, les véridiques, donc les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux, et ceux-là, bien sûr, ont, c'est-à-dire, un bon accompagnement. Ceux-là seront bien accompagnés. Et les envoyés du prophète, hein, donc les héritiers du prophète sont les ulama. Donc ils vont avoir un niveau qui sera très haut. فَمَنْ تَلَبَ الْعِلْمَ لِيُحْيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَهُوَ مِنَ الصِّدِّقِينَ وَدَّرَجَتُهُ بَعْدْ دَرَجَتُ النُّبُوَّةِ. Donc les ulama seront où par rapport à cela, par rapport à ces quatre niveaux, le fait qu'ils ne pourront pas faire partie de ceux qui sont équivalents au prophète, donc ils vont avoir celui qui sera en dessous. Donc celui qui va apprendre la science afin de faire revivre l'islam, afin de faire donc vivre l'islam et de la perpétuer, sera parmi les véridiques. Il sera parmi les véridiques et ce degré est en dessous du degré de la prophétie. El wajhu thalithu wa tis'un, 93e point, el ilmu al hasanatu fi dunya. Donc la science c'est al hasana dans la vie d'ici-bas. Donc les bonnes choses, al hasana c'est-à-dire tout ce qui est bon. Hasana, donc c'est la bonne œuvre, c'est le bon acte, c'est aussi les récompenses, et c'est tout ce qui est bon. Là, c'est général. Qala al-Hasan fi qawlihi, Rabbana atina fi dunya hasana. Surat al-Baqara, verset 201. Donc il dit, hiya al-ilmu wal-ibada. Donc al-Hasan, par rapport lorsqu'on dit dans notre dua, Rabbana atina fi dunya hasana, ça veut dire la science et l'adoration. Wa fil akhirati hasana, c'est hiya al-Jannah. C'est al-Jannah. Il retrouve cette parole dans Akhrajahu Ibn Abi Shayba, Abd Ibn Humaid ou Ibn Jarir. Donc on retrouve ça dans, on va retrouver ça dans Shu'ub al-Iman de al-Bayhaqi aussi. Donc, celui qui dit Rabbana atina fi dunya hasana, ça veut dire que il a demandé bi idnillah la science et l'adoration. Il a demandé quoi? La science et l'adoration. Wa fil akhira hasana, et dans l'au-delà, hasana, c'est le paradis. Wa hada min ahsan at-tafsir. فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح. Et cela est la meilleure explication de ce verset. Car parmi les choses les plus importantes ou parmi les meilleures œuvres dans la vie d'ici-bas, c'est la science qui est profitable et l'acte qui est pieux. الوجه الرابع والتسعون. 94e point. العلم بتعلم. La science c'est par l'apprentissage. La science vient s'acquiert par l'apprentissage. Qala Ibn Mas'ud radiallahu anhu, alaykum bil ilmi qabl an yurfa. Donc, il dit Ibn Mas'ud, apprenez la science. Apprenez donc la science avant que cette science soit levée. Alors, on sait que les derniers temps, à la fin, donc juste avant, la science va être levée des poitrines des personnes. Jusqu'à ce qu'il va rester que des gens qui vont dire Allah, Allah, il n'y aura plus d'ilm. Le Coran, il va être enlevé des poitrines de personnes. Ça, c'est la fin. Jusqu'à ce qu'il va rester sur la terre que, en plus, ses pieux vont mourir. Jusqu'à ce qu'il va rester que les mauvais. Quand il y aura Al-Qiyamah, il n'y aura que les mauvaises personnes. Il va rester que les mauvaises personnes. Ashrar, Ashrar al-Nas. Les pires des personnes sur cette terre. Warafuhu halakul ulama. Et donc, il va être levé comment? C'est par, bien sûr, la mort des savants. Par la mort des savants. فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبحثهم الله علماء لما يرون من كراماتهم. Il dit Ibn Mas'ud, donc il jure par celui qui détient son âme entre ses mains, les gens qui sont morts martyrs, donc ceux qui sont morts fils abilillah dans martyrs, ils voudraient fortement, donc ils sont shuhada, ils voudraient fortement qu'Allah les fasse ressusciter afin qu'ils deviennent savants. Ils sont shuhada, ils ont déjà une bonne place. Ils sont martyrs. Et pourtant, ils veulent devenir savants, meilleur que cela encore. Du fait de voir que ces gens-là, ils ont la place honorable. Ils sont nobles. Wa inna ahadan lam yulad aliman wa innama al-ilmu bita'allumi. Et personne ne naît savant. Mais la science est par l'apprentissage. Innam al-ilma bita'allum. Et ça aussi, bien sûr, dans ce hadith du prophète Sassam qui dit Innam al-ilma bita'allum, Innam al-hilma bita'allum. Et certes, la douceur, c'est par le fait de chercher à être doux, le fait d'apprendre comment être doux. Donc on retrouve cette parole dans Darimi, Abd al-Razzaq, ou Ibn Abd al-Bar fil Jami', al-Bay'aqi aussi fil Madkhal. الوجه الخامس والتسعون 95e point بين العلم وقيام الليل. Donc la différence ou la suprématie, la différence entre la science et la prière de la nuit, قيام الليل. قال ابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهما اوردنا عنهم اجمعين وبعدهما أحمد بن حنبل تذاكر العلم بعد ليلة أحب إلينا من إحيائها. Et cette parole, elle est rapportée par Abd al-Razzaq, Wad-Darimi et Ibn Abd al-Bar aussi, toujours dans Bayan al-Ilm de Ibn Abbas. Donc Ibn Abbas, Abu Huraira, et on retrouve après eux Imam Ahmed, qui disent, radiallahu anhum wa rahmatullah alayh, qui disent que évoquer la science une partie de la nuit est meilleur pour moi que de la faire vivre, dans le sens où que de rester debout et prier la nuit. Le fait d'apprendre la science une partie de la nuit, donc ça commence par l'Isha, tu lis un livre, tu as fait cela, donc était meilleur, le fait d'apprendre ta religion, ne serait-ce qu'une partie de la nuit, est meilleur que Qiyam al-Layl, est meilleur que prier la nuit complète, était meilleur pour eux. Parce que la science, elle est plus importante, elle va être profitable pour plus de personnes que ce que tu fais en toi-même. Malgré que, bien sûr, ça reste toujours quelque chose qui reste très important, mais l'autre, l'acte de ilm, c'est justement qui va être plus profitable pour beaucoup de choses. Al-wajhu as-sadisu wa tis'un, 96e point, ata'ullahi li'ibadihi ahli al-ilm. Le don d'Allah pour ses serviteurs, donc les gens de science. Allah, les gens de science, sachez que c'est un don et une grâce d'Allah pour les serviteurs. Car Omar, radiallahu anhu, ayyuhan nasu alaykum bil ilm, fa inna lillahi subhanahu rida'an yuhibbuh, fa man talaba baban min al ilmi, rada'ahu allahu bida'ihi, fa in adnaba dhanban, ista'adahu layla yaslubahu, rida'ahu dhalika hatta yamuta bih. Omar ibn Khattab dit que, donc aux gens, apprenez la science, car Allah a donc un rida, c'est donc le son pagne, c'est ça, c'est son, le dessus, donc l'habit dessus, c'est le pagne. Le pagne, c'est l'izar. Non, le pagne, c'est l'izar. Hein, donc il y a le, on sait qu'avant, les gens mettaient, hein, mettaient une cape par exemple, donc l'habit qu'on mettait dessus, rida, donc, et qu'il aime, Allah aime cela. Et celui qui apprend un chapitre de science, donc Allah l'a protégé avec sa cape. Hein, Allah le quoi? Le protège avec sa cape. Et si il commet un péché, donc il va remarquer cela, voire même cette cape, elle va faire disparaître ce péché, jusqu'à ce qu'il meure. Hein? Jusqu'à ce qu'il meure, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il meure. C'est-à-dire que ils sont, même s'ils vont commettre des péchés, les ulama, le bien qu'ils font, le bien qui est bien au-dessus de ce qu'ils vont faire comme péché, va venir effacer leur péché. Comme les compagnons, tout ce qu'ils ont fait comme péché, c'est rien par rapport au tout le bien qu'ils ont fait. Donc le bien, il est largement au-dessus. Et il va venir effacer largement les péchés de ce qu'ils ont fait. La même chose pour Salaf Saleh. Et ceux qui les suivent, bien sûr, dans le bien. Qultu wal ma'na, wa ma'na isti'abullahi abdahu an yatluba minhu an yu'tibahu ay يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة فإذا أناب إليه رفع عنه عتبه فيكون قد أعتب ربه أي أزال عتبه عليه وربه تعالى فاستعابه أي طلب منه أن يعتبه وهذا قول ابن مسعود وقد وقعت زلزلتون بالكوفة إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. Donc, le ma'na aussi de cela, c'est que Allah, donc comment il va faire que cette chose-là va disparaître? C'est qu'Allah, il va lui, justement, lui faciliter. Hein, il va lui faciliter cette tauba. C'est pour ça que ça va disparaître. Il va, parce que la personne, elle connaît, elle est savante du péché. Il va revenir vers Allah, il va demander pardon. Donc Allah, justement, il va lui enlever cela. Donc il va lui enlever cela. Et parce qu'il demande à Allah Azzawajal cela. Comme Ibn Mas'ud dit par rapport à cela, lorsqu'il y a eu à Koufa un tremblement de terre, donc il dit, Ibn Mas'ud, certes votre Seigneur, donc vous a bien sûr prévenu un peu, si on peut dire ça comme ça, donc revenez vers lui. C'est-à-dire faites tauba par rapport à ça. Et Allah, il fait remarquer au savant, donc son erreur, comme, aussi clairement, hein, de la même façon que les awam, s'ils avaient un tremblement de terre, ce qu'ils font, ils font plus facilement tauba. On connaît maintenant l'exemple dans la région de Boumerdès en Algérie lorsqu'il y a eu les tremblements de terre. On connaît qu'après ça, il y a une grande montée de l'iltizam dans cette région. Beaucoup de gens sont de plus en plus multazimine lorsqu'ils ont vu justement ce type de châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait, toutes les maisons qui sont tombées et la khiri. Donc ils ont des morts et ceci et cela. Donc ils ont bien sûr, beaucoup de gens ont réfléchi par rapport à cela. Donc c'est le même type, c'est comparable au savant. Le savant s'il fait un péché, c'est comme si pour lui il y avait une zilzila. Hein? C'est comme si pour lui il y avait un tremblement de terre dans lui-même, et donc il va revenir facilement auprès d'Allah. Ça va fortement le toucher. Donc il y a une comparaison par rapport à ça lorsque Ibn Mas'ud parle. وَهَدَا هُوَا الْإِسْتِعَابُ الَّذِي نَفَاهُ سُبْحَانَهُ فِي الْآخِرَةِ فِي قَوْلِهِ. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans surat Al-Jathiyah, verset 35, Al-Jathiyah, verset 35. فَالْيَوْمَ لَا تُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يستعتبون أو يستعتبون عفوا ولا هم يستعتبون أي لا نطلب منهم إزالة عتبها عليهم فإن إزالته إنما تكون بالتوبة وهي لا تنفع في الآخرة وهذا غير استيعاب العبد ربه كما في قوله تعالى فإن يصبروا فالنار مثوان لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فما هم من المعتبين سورة فصلت فرس 24 وهذا معناه أن يطلبوا إزالة عتبها عليهم والعفو فما هم من المعتبين أي ما هم ممن يزال العتب عليه وهو الاستيعاب ينفع في الدنيا دون الآخرة. Donc, il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Jathiya, verset 35, « Cela, parce que vous preniez en raillerie les versets d'Allah et que la vie d'ici-bas vous tromperez. Ce jour-là, on ne les fera pas sortir et on ne les excusera pas non plus. » Donc, ils n'auront pas d'excuses. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas fait un kuhel tawba par rapport à cela. Donc, ça n'aura pas été profitable pour eux. On va pas leur demander de quoi justement cette excuse afin que parce que justement ils ont pas fait parce que le c'est-à-dire ils vont être donc réprimandés parce que justement ils ont pas fait tawba. Ils vont être réprimandés parce qu'ils ont pas fait tawba. Donc cela ne leur sera pas profitable dans la vie d'ici-bas. Et après il dit aussi subhanahu wa ta'ala donc dans sourate Fussilet verset 24 S'ils endurent le feu, sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Ils ne seront pas excusés. Quatre-vingt-dixième point, Mawtul Alim ou Mawtul Abid. La mort du savant et la mort de l'adorateur, du pieux serviteur. Qala Omar رضي الله عنه موت ألف عابد أهوان من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. Donc il dit Omar, la mort de 1000 serviteurs, adorateurs, est plus facile, donc c'est plus léger que la mort d'un savant qui est clairvoyant dans ce qui est dans le licite d'Allah et son illicite, dans ce qui est halal et haram. Car bien sûr le savant c'est lui qui va donner la lumière à tout le monde, à tous ses serviteurs. ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما بينه ما يبينه بعلمه وإشهاده وأما العابد فنفحه مقصور على نفسه. Donc pourquoi? Car le savant va casser, va faire disparaître, va rendre vain à Satan tout ce que Satan montre. Par sa science, donc le savant. Par sa science, le savant, il va détruire ce que Satan fait. Par contre, le serviteur, son bénéfice n'est que... Donc ce qu'il fait, c'est profitable que pour lui-même. C'est profitable que pour lui-même. Donc là, la différence entre l'alim. L'alim, il fait profiter les autres, tandis que l'abid ne profite que de ce qu'il a fait, c'est pour lui-même. Ses œuvres sont pour lui seul. El wajhu athaminu wa tis'un. 98e point, kulla yawmin biziyadati ilmin. Chaque jour avec une augmentation de science. Chaque jour avec une augmentation de science. Qawlu ba'd as-salaf, ida ata aliya yawmun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fa تعالى فلا يورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم. Si me vient un jour où je n'ai pas augmenté ma science qui va me rapprocher d'Allah, donc j'ai pas eu donc de baraka ce jour-là, j'ai pas eu de bénédiction ce jour-là lorsque ce soleil c'est-à-dire le jour où ce soleil s'est levé. C'est-à-dire que si la personne ne ressentait pas que sa science avait augmenté ce jour-là, donc il considérait que ce jour n'était pas profitable pour lui. Il n'y avait pas de baraka, il n'y avait pas de bénédiction dans ce jour. Parce qu'il n'a pas augmenté sa science. وَقَدْ رُفِهَا هَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ وَرَفْهُ إِلَيْهِ بَاطِلْ وَحَزْبُ أَنْ يَصِلَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ صَحَابَتِهِ أَوْ تَابِعِينَ. Et cette parole a été donc levée au prophète صلى الله عليه وسلم pour dire que ça venait du prophète, mais bien sûr cette parole elle est fausse, elle ne revient pas du prophète صلى الله عليه وسلم. Mais elle est suffisante car elle revient d'un des compagnons ou d'un des tabi'in, et cela est largement suffisant. الوجه التاسع والتسعون 99e point الإيمان ثمرته العلم. La foi, son fruit est la science. قال بعض السلف الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم. Donc certains plus prédécesseurs disaient la foi est nue. Et son habit, c'est la crainte. Et sa beauté, c'est la pudeur. Et son fruit, c'est la science. Donc le fruit, l'habit de la foi, c'est la crainte. La beauté de la foi est la pudeur. Et sa science, son fruit, c'est la science. El-Wajhu Mia, 100e point. El-Ulama Humunnes. Les savants sont eux les gens. El-Ulama Humunnes. قول ابن المبارك قد سئل من الناس. Donc on demanda à Abdallah ibn al-Mubarak رحمه الله, on lui dit qui sont les gens. قال العلماء, il dit les savants. قيل فمن الملوك, qui sont les rois. قال الزهال, les ascètes. Il répondit les ascètes. قيل, donc qui sont les rois, ce sont les ascètes. قيل فمن السفلتو, c'est-à-dire soufou, c'est-à-dire les plus bas, les gens les plus bas ou les plus vils. Elle a dit Yakulu bidinihi, celui qui mange de sa religion. Donc celui qui mange de sa religion, c'est-à-dire que quand tu manges quelque chose, après qu'est-ce que tu en fais? Elle disparaît cette chose, elle n'est plus là. Donc tu manges de ta religion, c'est-à-dire que tu délaisses ça, tu commences à faire ça. Tu manges de ta religion. Ou bien tu manges ta religion plutôt. Tu manges ta religion. El wajhu el hadi wal miya. 101e point. El ilmu huwa afdalul hudud. La science, c'est la meilleure chose que la personne puisse acquérir. Donc, c'est la meilleure part. Anna man adraka al-ilma lam yadurrahu ma fatahu ba'd idrakihi. Ou lam yadurrahu ma fatahu ba'd idrakihi. Idh huwa afdalu al-hudud wa al-ataya. ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحظوظ بل يكون بالا عليه وسببا لهلاكته او لهلاكه. Donc celui qui sait, qui remarque que la science donc ne va pas lui faire, celui qui sait que la science ne va pas lui faire de mal, dans le sens une fois qu'il a, c'est-à-dire la science sait que lui, si il a raté quelque chose, مثلا, après l'avoir compris, hein, il sait que ça ne va pas lui faire du mal. Et celui qui sait que la meilleure chose, ou la meilleure part, la part que tu puisses avoir, c'est justement, c'est que, donc celui que, non, donc la meilleure chose, c'est que si cette science te passe sous les mains, enfin, hein, te passe sous la main, donc tu la rates, tu n'arrives pas à la voir, hein, il sait que, non. Donc celui qui aura donc passé à côté de quelque chose dans la science, de certains points religieux, et qui croit, ou qui pense que cette chose-là n'était pas pour lui maintenant importante, donc ça sera pour lui, c'est-à-dire celui qui croit que lorsque il a délaissé quelque chose, non, c'est ça, lorsqu'il croit qu'il a délaissé quelque chose de la science, c'était pas profitable, c'était pas grave. C'est-à-dire dans le sens où c'est pas parce que j'ai pas appris ça que ça va pas être profitable pour moi. Ça va pas me causer de tort. Celui qui croit que délaisser la science, en fin de compte, ne lui causera pas de tort, et que aussi le fait de délaisser ne lui sera pas profitable, dans le sens contraire, donc ça sera pour lui bien sûr un malheur, et ça sera aussi le chemin de quoi? De la perdition. Ça va être le chemin de la perdition. Parce que tu as cru qu'en passant à côté de cette science, c'était pas grave. Dans le sens où si tu l'acquérirais, peut-être ça serait pas profitable, et si tu l'avais pas acquéri, donc ça va pas te faire de mal. Donc c'est ça en résumé. وهذا وقال هذا الصف اي شيء ادرك من نفاته العلم واي شيء فاته من ادرك العلم. Donc il dit certains salaf, quelle chose aurait pu acquérir cette personne si il a perdu la science, et quelle chose pourrait perdre la personne si il a bien sûr compris la science. C'est-à-dire, si t'as toi assimilé la science, t'as rien perdu, mais si t'as perdu la science, t'as tout perdu. Qu'est-ce que t'as rien gagné? Si t'as perdu la science, t'as rien gagné, et si t'as acquis la science, t'as rien perdu. Voilà ce que disent les salaf. Al-wajhu al-thani wa al-miyah. Son deuxième point. Al-ilmu hayatul qulub. La science, c'est la vie des cœurs. Qala ba'du al-arifin. Alaysa al-maridu idha muni'a al-ta'ama wa al-sharaba wa al-dawa'a yamut. Qalu bala. Qala fa-kadhalika al-qalbu idha muni'a anhu al-ilmu wa al-hikmatu thalathata ayamin yamut. Subhanallah. Donc certains arifin, donc Ibn Qayyim des fois il utilise ce mot al-arifin, ceux qui connaissent, qui comprennent les choses, c'est pas pour dire, c'est pas pour insinuer, bien sûr, comme le disent les soufis, al-arifin, c'est-à-dire qu'il veut dire qu'il connaît Allah comme s'il le voyait, ou Allah est en eux, il a khili, c'est pas ça. Ça c'est par rapport au degré des soufis. Donc il dit, n'est-ce pas que le malade, si on lui interdit la nourriture et la boisson et le médicament, il meurt? On le dit, il dit oui, bien sûr. Et il dit, ainsi, c'est ainsi pour le cœur. Si le cœur est interdit de science, de sagesse, 3 jours, il meurt. Donc, il voyait comme ça. 3 jours, c'était suffisant pour dire que le cœur va prendre un coup. Va déjà mourir. Cependant, il va déjà regarder mourir pour les salafs salaires. Wa sadaqa fa inna al-ilma ta'amul qalbi wa sharabuhu wa dawa'uhu. Et c'est véridique, car la science, sa nourriture, c'est la nourriture du cœur. C'est sa boisson et son médicament. وَحَيَاتُهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى ذَلِكَ. Et sa vie va exister, ne sera existante ou va être présente, ou bien plutôt la vie, donc elle sera. Donc il y aura, c'est-à-dire cette existence que par cela. Cela va être donc déterminé, ou bien plutôt, cela va être résumé, ou bien concrétisé, ou réalisé que par cela. فَإِذَا فَقَدَ الْقَلْبُ الْعِلْمَ فَهُوَ مَيِّتٌ. Si le cœur perd la science, il meurt. Walakin la yashhuru bimawti, mais simplement il ne va pas ressentir cette mort. Kama anna sakrana alladhi qad zala 'aqluhu, comme l'alcoolique qui a perdu sa raison. Wal khaifa alladhi qad intaha khawfuhu ila ghayatihi, celui qui a donc énormément peur. Donc une peur qui va être, il va être totalement terrorisé, tétanisé. À ce moment-là, lui aussi, il a perdu sa raison. Celui qui a vraiment totalement peur, fortement peur, il est plus lucide. Wal muhib wal mufakkir. Et aussi celui qui aime trop et celui qui pense trop. Des fois, celui qui aime trop, peut-être, donc son amour va le rendre aveugle. Ainsi que celui qui pense trop. Tu peux penser trop qu'on pourrait même te parler à côté de toi, et toi, tu es ailleurs. Le fait d'être trop loin dans tes pensées. Qad batala ihsasuhum bi alamil. Car pourquoi? Car justement, leur sentiment, là, en ce moment-là, ils ont donc justement perdu donc tout ce qui pourrait leur faire mal. Imaginez-vous, c'est-à-dire le mal, lorsque tu ressens un coup, lorsque tu ressens une blessure. Mais lorsque tu es trop comme ça dans cette situation-là, donc le fait d'avoir trop peur, le fait de trop aimer, ou bien le fait de trop penser, à ce moment-là, tu perds tes sens, tu perds justement ces sens-là. إذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها. Lorsqu'ils deviennent sains et qu'ils reviennent, c'est-à-dire donc normaux, ils se sont calmés, maintenant, ou bien ils ont leur amour justement, donc elle s'est amoindrie, donc ils sont plus calmes, ils arrêtent de penser. Lorsqu'ils redeviennent normaux, on va dire, en ce moment-là, ils ressentent cela et ils comprennent, ils ressentent le mal. À ce moment-là, ils vont ressentir le mal. وهكذا العبد إذا حط عنه الموت أحمال الدنيا. Donc c'est comme ça pour le serviteur. Lorsque s'approche de la mort, de cette mort-là, hein, à cause de tout ce qu'il y a dans la vie d'ici-bas, tout ce qui est apporté dans cette vie d'ici-bas, et tout ce qui va donc le faire perdre son temps, c'est-à-dire ses occupations de la vie d'ici-bas, il ressent, le serviteur, s'il commence à appartenir dans cette vie d'ici-bas, il va ressentir qu'il commence à dépérir et qu'il commence à perdre des choses. الوجه الثالث والمياه son troisième point العلم جهاد la science est effort la science c'est l'effort قال أبو دردا من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله celui qui voit que le fait de partir vers la science donc le fait de voyager vers la science ce n'est pas un djihad, donc ce ne sont pas des efforts. Il a perdu sa façon de voir et son raisonnement. Donc il a perdu son raisonnement. Et le wajhu rabi'u wal mia. Son quatrième point, bain al-alim wal muta'allim. Entre le savant et celui qui apprend. Qawluhu aydan al-alimu wal muta'allimu sharikana fil-ajr. Le savant et l'étudiant, hein, donc celui qui apprend, sont donc associés dans la récompense. Et la majorité des gens, donc c'est hamaj, c'est-à-dire comme les animaux, c'est comme dire des gens qui font n'importe quoi, qui ne sont pas structurés. Donc c'est hamaji, c'est-à-dire presque sauvage. Il n'y a pas de bien en eux. C'est-à-dire que le bien est dans, justement, est dans le fait d'apprendre, d'avoir justement cette religion, ce ilm. Sinon, c'est du hamaj. El wajhu el khamisu wal miya. 105e point. Talibul ilmi kal mujahid. L'étudiant en religion, c'est comme el mujahid. Marawahu Abu Hatim ibn Hibban fi sahihihi min hadith Abi Huraira annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, Ibn Abi Shayba, Ahmed, Al-Hakim et il est donc c'est un hadith qui est bon où Abu Huraira donc mentionne que le prophète a entendu dire que le prophète a dit celui qui entre dans notre mosquée donc Masjid al-Nabawi la mosquée de Médine afin d'apprendre un bien ou de l'enseigner et comme le mujahid fi sabilillah et celui qui y entre dans cette mosquée pour autre que ça c'est comme celui qui regarde vers quelque chose qui ne lui appartient pas hein, c'est comme quelqu'un qui va regarder sur quelque chose qui ne lui appartient pas imaginez-vous quelqu'un qui passe auprès d'une vitrine. Il y a des beaux habits, il y a du beau matériel. Et puis il regarde, mais c'est pas lui. Une belle voiture à côté de lui, il regarde, c'est pas lui. Une belle maison, il regarde, c'est pas lui. Tandis que celui qui va apprendre, qui rentre dans cette mosquée, qui apprend, lui à ce moment-là, il va être du niveau du Moudjahid. Ça c'est pour, là, le professeur Maï a parlé, bien sûr, par rapport à sa mosquée. Quand il dit, Masjidana. Même si le ma'na, c'est le hadith qui khas, le ma'na il est sahih, c'est-à-dire dans tout. Le ma'na il devient général. Ce n'est pas obligé d'être fait le Masjid Nabawi. Ce n'est pas un shol que ce soit la mosquée du prophète. Ça peut être n'importe quelle mosquée. Pourquoi il a dit Masjidana ? Parce que les gens venaient, c'était à son époque, et que les gens ne venaient que dans cette mosquée. Il y avait, même s'il y avait des mosquées ailleurs, elles étaient très loin. Il n'y avait pas de. Donc c'était là que les gens y venaient. Parce qu'il y avait le prophète Samin, donc il venait prendre de chez lui. Donc ça ne s'applique pas qu'à la mosquée du prophète, ça s'applique à toutes les mosquées. Ce qui compte, c'est El-Fi'al, ce qui se passe. El-Wajhu, El-Sadis ou El-Mia. 106e point. Iwa'u Allah subhanahu li talib al-ilm. Ma rawahu aydan fi sahihi min hadith thalathati alladina intahu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa jalisun fi al-hilqatin fa'arada ahaduhum wa istahya al-akhar fa'jalasa khalfahum wa jalasa thalithu fi furjatin fi al-halqa fa'qala nabi sallallahu alayhi wa sallam amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. Et toujours un hadith qui est rapporté par Ibn Hibban et il est authentifié, donc parce qu'il est rapporté aussi par Al-Bukhari Muslim. Le hadith où les trois qui sont venus à l'assise de science, donc sont venus dans une assise de science, où il y avait le professeur Sam, donc il était assis, le professeur en train d'enseigner. L'un est parti, il s'en est détourné. Le deuxième, il a eu honte, il est resté à la fin. Il a eu honte, donc il est resté en retrait. Et le troisième, il s'est quand même assis. Et le troisième, il a trouvé donc dans cette assise un endroit où il pouvait s'asseoir, donc un trou. Donc il a trouvé du vide, il s'est assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc celui qui a été vers Allah, awa, parce qu'il a été lui. Il a été vers Allah, donc Allah a été vers lui. Parce que lui, il s'est bien assis au milieu. Donc, d'où justement l'importance de se rapprocher du shirk quand il parle. D'où justement le délit comme quoi qu'il ne faut pas s'éloigner. Pourquoi tu t'éloignes? Khalek, ton oreille entend plus fort. Khalek, tu sois plus près, tu regardes mieux. Plus tu es loin, moins tu seras concentré. Plus tu te rapproches, plus tu seras attiré. Hein, donc ton cœur, ton ouïe, ta vue en profiteront plus. Par contre, l'autre, il en a eu honte. Et Allah a eu honte de lui. Et l'autre, le dernier, bien sûr, donc celui qui s'est détourné, Allah s'est détourné de lui. À ce moment-là, il ne fera pas partie dans ce domaine de ceux qui ont été élus par Allah pour cela. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يُؤْوِيهِ إِلَيْهِ لَا يُعْرِدُ عَنْهُ لَكَفَ بِهِ فَضْلًا. S'il y avait donc que ce hadith pour montrer le bienfait du talib al-ilm, le fait qu'Allah donc, va vers lui, parce qu'il a été vers Allah, Allah il va vers lui, et qu'il ne se détourne pas de lui, cela était suffisant pour montrer que talib al-ilm c'est bien. Rien que ce hadith. Donc là, il y a un point qui, on n'aura jamais le temps de le faire, parce qu'il est trop long, il doit durer 20 pages ou plus, ça c'est rien que ce point-là, c'est un dars tout seul. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste voir, donc s'il y a des questions par rapport au point qu'on a vu auparavant. S'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu, donc on a vu 100 points, hein, donc on a vu même plus que 100 points, 106 points. Donc on va s'arrêter là, on prendra le prochain point plus tard, Inch'Allah, même si je suis de France. Donc on parlera de ça Inch'Allah plus tard, et à ce moment-là, s'il y a des questions par rapport à ça, on va, là comme ça on va continuer par rapport à s'il y a des choses à savoir par rapport à ce qu'on a vu.